Blockbuster. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Un super animateur, des super thèmes, comme d'hab. Par contre, il va falloir m'expliquer un truc. Comment Frédéric Sigrist est devenu en un an le sosie officiel de Ricky Whittle d'American God. Étonnant. Salut. Alors, quel bon souvenir de se replonger dans la saga Metal Gear Solid, surtout celui sur PlayStation, où je me rappelle que le gameplay était ultra novateur pour l'époque, comme par exemple le fait qu'il fallait faire fumer le personnage pour faire apparaître les rayons laser et ainsi pouvoir les éviter, ou ce fameux boss qui lisait dans nos pensées, et où il fallait, comme astuce, débrancher la manette du port 1 et le mettre sur le port 2 pour que l'ennemi ne sache pas nos mouvements et ainsi pouvoir le battre plus facilement. Merci à vous, bonne continuation. J'ai juste trouvé dommage que vous n'ayez pas parlé de ce qui a fait de la renommée du premier Metal Gear Solid en France, son doublage, quoi, qui était mythique. Voilà, voilà, salut. Oui, bonjour. Alors, je suis une fan de l'émission Blockbuster. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une super émission sur Monsieur Sir Terry Pratchett, le king, le roi de la science-fiction, de la fantasy? Merci. Ouais, juste un petit message par rapport aux auditeurs, aux éditrices qui sur le répondeur déposent parfois des messages en disant vous avez oublié de dire ci, vous avez oublié de dire ça. Ça m'énerve. Bon, excusez-moi pour ce message un petit peu remonté, mais bon voilà. Bonne continuation à vous. Bisous. Mais quand allez-vous parler du plus grand jeu qui ait jamais été fait? Je veux dire évidemment Dark Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Quand est-ce que vous allez consacrer une émission à cette trilogie qui est absolument exceptionnelle? Je veux juste une réponse. Or not to be. Not to be. J'ai horreur des mentalistes. Il n'y a rien qui m'énerve plus qu'être en face d'un individu qui me dit de choisir un mot dans un dictionnaire et qui va le deviner 2 minutes après avoir fait semblant de chercher. C'est pas que je ne trouve pas de talent aux mentalistes, c'est juste qu'ils me font me sentir terriblement bête. Ils me font me sentir prévisible. Comme si tout ce que j'estimais être mon intimité n'était rien d'autre qu'un jardin public où tout le monde peut se promener en short avec des tongs à la fraîche. Les magiciens, eux, ils ont au moins la modestie de cacher leur dextérité derrière un vernis grandiloquent un peu ringard. Le mentaliste, non. En général, il est habillé comme un conseiller bancaire et il montre au grand jour ce que tu crains au fond de toi depuis ta plus tendre enfance. Tu n'es pas original. On lit en toi comme dans un livre ouvert. Tu as eu une enfance compliquée, tu en veux à tes parents pour certaines choses mais tu prends sur toi. Ton mot de passe Gmail, c'est ta date d'anniversaire. Et le premier défaut qui te vient à l'esprit quand on te demande quel est ton défaut, c'est « je suis perfectionniste ». Et c'est ça qui est vertigineux en tant qu'être humain, c'est vivre chaque jour en ayant le sentiment d'être l'original là où nous ne sommes que des photocopies. Le mentaliste, c'est celui qui a réussi à avoir l'être humain en version originale Director's Cut. C'est celui qui fait preuve de déduction. Le mentaliste, au fond, c'est Sherlock Holmes. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Je joue du violon quand je réfléchis et je ne parle pas pendant des jours, parfois. Ça vous embête? Deux futurs colocs doivent savoir le pire l'un de l'autre. Tu lui as parlé de moi? Pas du tout. Alors qui a parlé de colocataire? Moi. Ce matin, j'ai dit à Mike que pour me trouver un coloc, ce ne serait pas évident. Et le voilà qui se pointe juste après l'heure du déjeuner avec un pote qui vient de rentrer d'Afghanistan où il était médecin militaire. Le reste est facile à deviner. Comment avez-vous su pour l'Afghanistan? J'ai repéré un beau petit appart dans le centre de Londres. À nous deux, on devrait pouvoir se l'offrir. On se retrouve demain soir à 19h. Désolé, faut que j'y aille. Je crois bien que j'ai oublié ma cravache à la morgue. Avec seulement 4 romans et 56 nouvelles, l'écossais Arthur Conan Doyle était sûrement loin d'imaginer la longévité de sa création, le détective du 221B Baker Street, Sherlock Holmes. Misanthrope et névrosé, cocaïnomane avec un humour à froid comme seule la perfide Albion peut en créer, d'une intelligence hors du commun et d'un esprit de déduction quasi surnaturel, Sherlock Holmes ne correspond pas du tout à l'idée que l'on se fait du héros modèle. Et pourtant, 132 ans plus tard, il ne cesse de se réinventer, de se réinterpréter, existant désormais au-delà de son berceau littéraire. Pour parler de ce personnage unique et expliquer son succès, j'ai à mes côtés Natacha Levet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence et auteur du livre Sherlock Holmes de Baker Street au grand écran, paru en 2012 aux éditions Autrement. Mm-hmm. Avec nous également Fabien Olicard, bonjour. Bonjour. Grand ami, mentaliste et grand connaisseur de la figure de Sherlock Holmes. Oui. Également avec nous Daniel Enoch. bonjour. Bonjour Frédéric. Alors vous tenez la chaîne YouTube Share Unlocked et vous êtes membre de la société Sherlock Holmes de France. Exact. Est-ce que ça donne droit à des places de parking? Je crois pas. Ouais, c'est dommage. Et enfin avec nous, Thierry Gilibert, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association Le Cercle Holmésien de Paris. Tout à fait. Alors ensemble, on reviendra bien évidemment sur la création de Sherlock Holmes, son comparse John Watson, son ennemi Moriarty. On expliquera qui était et d'où venait Arthur Conan Doyle. On verra aussi ce qui fait de Sherlock Holmes un personnage unique et fascinant, en quoi il est un peu le père de la police scientifique moderne. Et on fera un tour non exhaustif de ses nombreuses réinterprétations de Sherlock Holmes. Allez, comment écouter Blockbuster sur France Inter, me direz-vous? Mais enfin, c'est élémentaire. Quand la police est larguée, ce qui est à peu près toujours le cas, elle m'appelle. La police ne consulte pas d'amateurs. Quand je vous ai vu pour la première fois hier, j'ai dit Afghanistan ou Irak, et je vous ai surpris. Oui, comment le saviez-vous? Je ne savais pas, j'ai vu. Votre coupe de cheveux, et votre maintien des notes militaires, et votre conversation en entrant dans la pièce... C'est plus tout à fait ce que c'était. Disait formé à Barts, et donc bien sûr médecin militaire. Votre visage est bronzé, mais pas votre peau au-dessus des poignets. Vous étiez donc à l'étranger, mais vous n'avez pas pris de bain de soleil. Vous boitez beaucoup en marchant, mais quand vous êtes debout, vous ne demandez pas de chaise, comme si vous aviez oublié votre jambe. Donc, c'est en partie psychosomatique. Et les circonstances dans lesquelles vous avez été blessé vous ont traumatisé. Blessé au front, donc. Blessé au front et bronzé, Afghanistan ou Irak. Voilà, vous aviez raison. J'avais raison? À propos de quoi? La police ne consulte pas d'amateurs. C'est... stupéfiant. C'était un extrait de Sherlock, la série de la BBC de Stephen Moffat avec Benedict Cumberbatch dans le rôle de Sherlock Holmes, doublé en français par Gilles Morvan, et Martin Freeman dans le rôle du docteur John Watson, doublé par Yann Perra. Et Natacha Levet, j'ai envie de vous poser une première question. Qui était Arthur Conan Doyle? Alors Arthur Conan Doyle, c'est un médecin de formation qui va d'ailleurs s'inspirer de l'un de ses maîtres et professeurs pour créer Sherlock Holmes. Et c'est un auteur qui, je dirais pas qu'il est arrivé par hasard à la fiction criminelle, mais il se rêvait plutôt auteur d'autres genres, et notamment d'un genre qui à l'époque était plus noble, le roman historique. Voilà. Et il crée ce personnage pour une publication dans un périodique, mais au départ, il n'a pas du tout l'intention de reprendre le personnage de Sherlock Holmes ultérieurement. Et alors, j'ai lu qu'il écrivait parce qu'il attendait les patients, c'est-à-dire qu'il avait ouvert un cabinet et comme les clients n'étaient pas là, ouais. Du coup, il écrivait. Voilà, et c'est ça. En fait, c'est le manque de patients qui l'a poussé en fait, à aller comme ça vers l'écriture. Daniel Enoch ? Oui, c'est tout à fait vrai. C'est en 1886, lorsqu'il s'est installé à Portsmouth comme médecin. Effectivement, il n'a pas énormément de clientèle et la plupart de son temps, il le passe à écrire et c'est là où il va effectivement développer Une étude en rouge, son premier roman, mais qui sera publié, lui, qu'une année plus tard, dans le Beaton Christmas Annual en 1887. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on n'a pas affaire à un médecin tel qu'on se l'imagine, c'est-à-dire qu'il avait déjà beaucoup voyagé, c'était vraiment un baroudeur. C'était un baroudeur, mais c'est surtout que Conan Doyle, c'est quelqu'un qui s'est mis à l'écriture très très tôt. C'est-à-dire, dès qu'il est à l'école de médecine à Édimbourg, il commence déjà à faire des publications. Et il commence déjà à travailler dans l'imaginaire. Il y a un roman, par exemple, ce qui est intéressant, il publie un roman qui va pas signer, et qui est basé sur le mystère de la Marie Céleste, c'est-à-dire ce vaisseau fantôme dont l'équipage va disparaître. Et les retours de lecteurs derrière pensent que c'est Stevenson, Robert Louis Stevenson, qui a écrit ce roman. Alors lui, il est super flatté par rapport à ça. Et alors, c'était un catholique oui. D'origine, mais en fait, il est devenu... Sous irlandais à la base, ouais. Voilà. Et ensuite, il est devenu agnostique. Disons que... Il a un rapport compliqué à la spiritualité ou à la religion. Ouais, c'est pas évident. Disons que c'est quelqu'un, c'est à la base, il faut pas oublier que c'est quand même un scientifique. Donc à la base, il a besoin d'effectivement de faits, de preuves, de choses comme ça. Et effectivement, ce qui va être très déroutant aussi de la part de ses lecteurs et puis de les gens qui le connaissent, c'est lorsqu'il va plonger dans le spiritualisme à la fin de sa vie. C'est-à-dire que suite à la mort de son fils pendant la Première Guerre mondiale, il va se tourner pour essayer d'avoir... Il a perdu deux épouses aussi. Oui, deux épouses, oui. Sa première épouse et il va chercher à avoir des réponses. Et lui, ce qu'il attend par rapport à ça, c'est qu'effectivement, il y a un moyen de pouvoir communiquer sans savoir si ça marche ou non. Et ça va être un petit peu aussi son grand conflit avec Harry Houdini, où lui, il était vraiment dans le système inverse. C'est-à-dire que Houdini, lui, il cherchait à démystifier un petit peu les charlatans qui avaient dans ce domaine-là. Et Sherlock Holmes, et Conan Doyle, lui, c'était l'inverse. Il cherchait des gens qui étaient vraiment capables de pouvoir communiquer avec les morts, parce que lui, il était persuadé que ça existait, quoi. C'est-à-dire que Harry Houdini, le magicien, essayait d'expliquer à Conan Doyle qu'il n'y avait pas de truc, qu'il y avait un truc, justement. Ouais. Et Conan Doyle, lui, était convaincu, non, t'as des super pouvoirs. C'est comme ça que c'est passé. En fait. Et puis là, ils vont se fâcher vraiment beaucoup. C'est quand la femme de Conan Doyle va dire à Houdini, « Oh, j'ai eu un contact avec votre mère, elle m'a laissé un message et tout. » Et à Houdini, il dit, « Non, c'est impossible, parce que ma mère ne parlait pas anglais, elle parlait que yiddish. » Et là, la relation entre les deux, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Et alors Thierry Gilibert, parlons maintenant de la création de ce personnage incroyable qu'est Sherlock Holmes. Ça arrive à quelle période de la vie de Conan Doyle ? Ça arrive à une période où, comme le disait Daniel, il s'établit comme médecin et, comme vous l'avez rappelé, il s'ennuie fermement en attendant ses clients. Il a toujours eu envie d'écrire, donc il a en lui une sorte de chevalerie. Hein, donc, il voulait avant tout écrire des romans de chevalerie à la manière de Walter Scott. Et il décide de créer un personnage chevaleresque, un vrai héros de son époque, pour lui, naturellement, il va se tourner vers une figure presque paternelle. Natacha l'a rappelé, c'est le professeur Bell, Joseph Bell, qui était son professeur à l'école de médecine, qui était capable d'un coup d'œil d'établir un diagnostic, et de savoir que quelqu'un venait de la Barbade, était malade d'éléphantiasis, etc., etc. Tout naturellement, Conan Doyle s'est mis à développer ce personnage en hommage, finalement, à la fois à ses études, comme je le disais, pour écrire un roman héroïque, pas tout à fait dans la veine historique, parce que je pense qu'à cette époque-là, il n'est pas prêt, parce qu'une plume, ça se travaille. Donc, il se distrait avant tout, lui-même. Donc, il est son propre public, en écrivant son propre roman. Et puis, incidemment, s'il peut être publié, ça met un peu de beurre dans les épinards, parce qu'il ne gagne pas sa vie à l'époque. On va continuer de parler de Sherlock Holmes, mais Angleterre oblige. On va rester, dans cette ambiance-là. On va écouter Oasis avec « Whatever ». Wrong or right, it's all C'était Oasis avec Whatever dans Blockbuster sur France Inter. Tête légèrement levée vers la gauche, surdité partielle. Premier angle d'attaque. En deux, la gorge, paralysée, corde vocale, étouffé hurlement. En trois, gros buveur présumé, côte flottante dans le foie. En quatre, pour conclure, traîne la patte gauche, coup dans la rotule. Diagnostic rapide, évanouissement de 90 secondes. Faculté martiale, un quart d'heure au mieux. Récupération complète, peu probable. C'était un extrait du Sherlock Holmes de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr. dans le rôle de Sherlock. Alors, je rappelle que vous pouvez durant tout cet été via notre répondeur nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Sherlock Holmes. Nous sommes toujours avec la maîtresse de conférence Natacha Levet, le mentaliste Fabien Olicard, Daniel Enoch, le directeur de la chaîne YouTube Share Unlocked et Thierry Gilibert, le vice-président de l'association Le Cercle Holmésien de Paris. Et là, je me tourne vers Fabien Olicard. En tant que mentaliste, il y a forcément énormément de points communs, de points de convergence avec la figure de Sherlock Holmes. Pour moi, c'est le fantasme du mentaliste de base, au moins dans son côté déductif, parce que lui, il a un stock trading incroyable, c'est-à-dire qu'il a des informations. Stock trading. Ouais. C'est parce que j'ai calé des mots que personne ne comprend, ça fait très intelligent. Il y a déjà 282 mails qui disent comment ça, vous ne parlez pas français. C'est pas possible. Non, mais une culture générale exacerbée, puisque pour faire une déduction, il faut avoir les données de base pour pouvoir déduire la chose. Et c'est ça qui est intéressant en plus dans le personnage de Sherlock, c'est il va s'intéresser à des choses très pointues dont tout le monde se fiche. Où est-ce qu'il y a de la terre rouge à Londres, ou est-ce qu'il y a ceci, cela, et de la culture générale, par contre, basique, genre la musique ou les choses comme ça, les groupes du moment, ça, il s'en fout royalement. Et c'est un peu le délire des mentalismes, à savoir un côté un peu autiste quand même dans le traitement des données qu'on retrouve chez lui, mais oui, pour nous, c'est... Alors, un certain type d'autisme, parce que je connais je connais des parents, notamment Albert Algou, qui m'a beaucoup parlé de ça, il m'a dit qu'il faut bien faire des distinctions entre l'autisme Asperger. Bien sûr. Qui est beaucoup utilisé par la télévision et le cinéma avec cette forme de génie et puis d'autres formes qui sont un peu moins flamboyants, télévisuellement parlant. Ouais, donc voilà, je précise. Mais ou alors on va dire monomaniaque. Voilà. Tu vois, qui sera plus pertinent. Et voilà, pour nous, c'est un peu le fantasme de la lecture à froid, en anglais cold reading, mais on va dire lecture à froid parce qu'on est en France, de regarder quelqu'un, n'avoir aucune donnée sur cette personne et pouvoir dire tu viens de là, tu es un tel, ta vie c'est ça, etc. Donc pour nous, c'est le personnage emblématique. Et là, je peux pas m'empêcher de poser la question, est-ce que c'est possible ? Eh bien, la réponse est oui. Oui. Un joli mélange entre non et oui. C'est-à-dire que oui, c'est possible, mais jamais aussi précisément, jamais en tombant aussi juste à chaque fois, jamais avec autant de pertinence sur tous les domaines. Ça, c'est une machine de guerre. C'est pour ça que c'est de la fiction. Mais c'est possible jusqu'à une moindre mesure. Mais non, voyons. Et alors, le personnage de Sherlock Holmes, tel qu'il a été créé, en fait, était initialement loin de cette image de dandy qu'on a surtout découvert dans les années 30. Au début, c'était vraiment un personnage qui restait des semaines sans parler, un peu dépenaillé, un peu bohème. Il y avait un côté punk chez le personnage de Sherlock Holmes, tel qu'il l'a décrit Conan Doyle, qui a évolué au fil de l'histoire. Ah oui, mais ça c'est le rôle du théâtre et du cinéma, après, d'enjoliver un petit peu tout ça. Mais c'est vrai que le personnage, tel qu'il apparaît, par exemple, dans le deuxième roman, Les Génies des Quatre, le premier chapitre, c'est quoi ? C'est Sherlock Holmes qui prend une seringue sur la cheminée et puis qui se fait une picouse à la cocaïne. Donc c'est vrai que c'est pas un personnage qui est très reluisant à cette époque-là. Et puis même ses relations par rapport à Watson, ouais, effectivement, il va s'enfermer dans sa chambre pendant plusieurs jours sans communiquer avec personne et ainsi de suite. C'est quelqu'un qui vit un petit peu dans sa bulle, ouais. Et alors parfait. Cette relation avec John Watson, justement, dans le film de Guy Ritchie dans lequel joue Robert Downey Jr., on jouait sur une ambiguïté, même sexuelle, entre les deux, et Robert Downey Jr. a toujours voulu, a dit, mais oui, il est homosexuel, en fait. Et les ayants droit ont dit, ah non, non, si vous faites de Sherlock Holmes un personnage gay, il n'y en aura pas un autre. Hein. On ne permettra pas le tournage d'un autre Sherlock Holmes. Donc, qu'en est-il dans l'œuvre de Conan Doyle ? Dans l'œuvre de Conan Doyle, de toute façon, on ne sait pas grand-chose de Sherlock. De la même façon que Arthur Conan Doyle décrit très peu physiquement le personnage, on a quelques lignes. Hein. On a peu d'informations et c'est ça qui fait aussi que Sherlock peut être repris, qu'on a des variations inventives et parfois iconoclastes de Sherlock, c'est que tout est possible. Cette ambiguïté sexuelle, elle est très exploitée depuis les années 1970 au cinéma. Il y a le film de Billy Wilder, hein, évidemment, qui va jouer là-dessus. Et là, récemment, j'ai lu le roman de Luc Chomara, Le dernier fleur norvégien, où il y a Sherlock Holmes en tant que personnage, c'est une métafiction rigolote. Et Sherlock dit, mais moi je suis un personnage de fiction hyper moderne, je suis ambigu sexuellement, je suis asocial, etc. Enfin, je suis un personnage moderne. Donc ça, oui, c'est quelque chose qui est beaucoup exploité ces dernières années et avec lequel le film de Ritchie joue évidemment. Il y a effectivement donc le film de Billy Wilder, La vie privée de Sherlock Holmes, où Billy Wilder va se jouer justement de ce pseudo, cette relation homosexuelle entre les deux. Donc il s'en amuse. Et puis après, il ne faut pas oublier aussi le clin d'œil qui est fait avec Madame Hudson dans la série Sherlock de la BBC, lorsqu'elle voit Watson arriver. Ah quoi, vous êtes deux hommes qui habitent dans le même appartement, vous êtes homosexuels. Voilà, donc c'est quelque chose de récurrent qui revient tout le temps, quoi. Thierry Gébert. Oui, quand on parle de sexe avec Sherlock Holmes, on se demande bien où on peut aller. Donc ça peut aller dans tous les sens, évidemment. Mais le plus important à dire, c'est que... Cette phrase peut rester longtemps sur votre CV, vous savez. C'est possible. C'est avant tout une machine à penser. Donc comment une machine peut-elle avoir des relations sexuelles ou quel est l'intérêt pour cette personne ? Dans la vie de Sherlock Holmes, une seule femme a compté, il l'appelle la femme, c'est Irène Adler. C'est avant tout une adversaire, à sa taille. C'est une relation plus intellectuelle que physique. Complètement, complètement. Alors... Je suis entouré par des experts, mais une question qui se pose à chaque émission, c'est « Le sont-ils vraiment ?» Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser trois questions extrêmement pointues sur Sherlock Holmes ou son univers. Saurez-vous y répondre ? Ce qui caractérise Sherlock Holmes, c'est son esprit de déduction. Vu tout ce qu'ils ont déduit de leurs impôts, est-ce que Patrick Balkany et Jérôme Cahuzac feraient de bons Sherlock Holmes ? Moi, je pense pas. Je pense pas non plus. Moi non plus. Ouais. Fabien ? Bah écoute, moi je pense que si... Non, définitivement, non. En fait, vraiment, c'est presque honteux de les comparer. On est d'accord, hein ? Ah oui, mais la honte, c'est un domaine mais dans lequel j'excelle. Mais par contre, c'est très divertissant également. Oui, effectivement. Mais ça coûte très cher, ce divertissement. Ils sont plus proches de Moriarty, en fait. Exactement, plus proches de Moriarty. Mais même là... Sherlock Holmes est capable de raconter votre vie juste en entendant votre nom. En fait, au fond, Arthur Conan Doyle a inventé Wikipédia. Ouais, on peut dire, ouais. Oui ? Ouais. Oui. Non, il est, parce que en vrai, Sherlock est plutôt juste, lui, en général. Ah. Notamment à Wikipédia qui est... Oh là là, il y a un vieux dossier. Il y a un vieux dossier. Fais une émission sur Wikipédia. J'ai des trucs de fou. C'est prévu. C'est pour la dernière, on fera ça. Cela dit, Wikipédia, ça aurait pu faire un bon prénom. Hein. Peut-être même mieux que Sherlock. Hein. Wikipédia Holmes, ça sonne bien. Ouais, c'est vrai. Pourquoi pas ? Voilà, on a inventé un nouveau personnage. Sherlock Holmes résout toutes ses enquêtes. Non. Moi ? Ah oui, non, oui, enfin, il résout la plupart de ses enquêtes. Vous avez vu ? Ouais, ça tourne en escro. La plupart de ses enquêtes. Moi, une fois, je me suis fait voler mon vélo. Et on est d'accord qu'un agent de police qui ne trouve pas la lettre K sur un clavier va pas retrouver le voleur. C'est clair. Voilà, ouais, c'était pour être sûr. Ouais. C'est pas un bon point de départ. Non, ouais. Non, bon, très bien. Lui, il n'était pas dans l'esprit de déduction. Par contre, à quel moment donné il avait besoin d'un K pour écrire ton nom ? Frédéric CK. Ah oui, c'est vrai. Oui. Je sais qu'il y a même un débat sur Twitter, puis il y en a qui veulent me l'enlever comme une sorte de circoncision de mon prénom. Je propose qu'on vote. Je suis pas d'accord du tout. Voilà. Mais c'est un bon cas pour Sherlock Holmes. Ouais. Oh là là ! Mais vous êtes vraiment des experts. Allez, je vous propose d'écouter La Paix interprétée par Babar Babar, non, Barbagallo, mais ils ont des noms bizarres aussi. Mes souvenirs sont flous et filent sans fin au loin de moi. Je tends la main, je les retiens. Et l'air autour vibrait. C'était hier, j'étais un autre. Tout ce que je voulais, tout ce dont je rêvais, des trésors égarés, égarés aux aurores. C'était Barbagallo, la paix. Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter. Courez, courez, on fait Watson. Ne laissez pas filer le bandit. Cherchez, cherchez, loupe à la main. Les méfaits de ce gros coquin. Et nos soucis seront bientôt finis. Eh oui, on ne pouvait pas passer à côté. Amélie Morin qui interprète le générique de Sherlock Holmes, la série d'Hayao Miyazaki. Et oui, le papa des studios Ghibli, de Totoro, de Porco Rosso, a réalisé une série Sherlock Holmes qui a été diffusée sur Recrea 2. On la retrouve aujourd'hui sur Netflix avec le concours des studios Rai, un studio italien. Et c'est une série de Miyazaki. Je vous invite à la découvrir parce que ça a été ma première rencontre avec Sherlock Holmes via ce dessin animé. Et justement, comment on explique cette incroyable faculté de Sherlock Holmes à se réinventer sous différents formats tout le temps? Thierry Gilibert. On réinvente bien Dieu, pourquoi pas Sherlock Holmes? C'est-à-dire, on le fait à notre image. Il est important pour vous Sherlock Holmes, on vous dit. On le fait à notre image. Non, je pense qu'on se l'approprie tous. Au même titre que quand on lit un roman passionnant, on se met à s'identifier au héros, hein, voire le dépasser, ce qui est mon cas. Mais particulièrement, je crois qu'on s'approprie le personnage. Et Miyazaki, comme d'autres l'ont fait, et je pense qu'on peut se retrouver... Il y a un côté enfant chez Sherlock Holmes, finalement. Alors, il y a eu tellement de versions de Sherlock Holmes. Sur le tas, c'est normal, il y en a que les gens n'aiment pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Je trouve que Sherlock Holmes est un personnage infiniment sympathique, trahi par le cinéma, parce que sur Basil Rathbone, qui l'avait interprété, qui est un acteur très bien, physique assez Sherlock Holmes, donnait une image de lui très très conformiste. Or, Sherlock Holmes est le moins conformiste. Et le plus anticonformiste des détectives, je trouve. Guy Ritchie est de retour. On l'attendait, il nous avait déjà gratifié en 2009 d'une grosse daube. C'était Sherlock Holmes. Et là, il récidive avec Sherlock Holmes, jeu d'ombre. Une musique éreintante et totalement continue qui vous agresse les oreilles. Pourtant, d'un très, très, très bon monsieur qui s'appelle Hans Zimmer et qui est un grand musicien de film. Mais alors là, s'il est payé à la note, c'est vraiment, il a fait fortune. C'est vrai que si on oublie qu'il s'appelle Sherlock Holmes et Watson, on peut prendre un certain plaisir à un film d'action et de baston. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Avec cet extrait, on voit qu'en fait, chacun a son Sherlock Holmes et il est prêt à le défendre envers et contre tout. Et là, j'ai envie de vous poser la question suivante. Quel est votre Sherlock Holmes favori? Moi, je suis assez fan. Ouais, je suis assez fan de celui de la BBC quand même, qui prouve une chose d'ailleurs, que pourquoi il se réinterprète tout le temps, parce que sa faculté est atemporelle en fait, et on est tous dans la place de Watson, en train de regarder ce mec qui comprend tout, qui déduit tout, et du coup le fait de l'avoir emmené sur un terrain aussi contemporain avec un personnage quand même relativement aussi sombre que le Sherlock de départ nous montre que peu importe l'année dans laquelle il vit ou le pays dans lequel il vit. Ses capacités, en fait, peuvent être appliquées à tout moment. Oui, c'est la série de Stephen Moffat et Mark Gatiss, qui avaient déjà participé à une autre série culte britannique, dont on a déjà parlé dans Blockbuster, Doctor Who. Et d'ailleurs, quand on aime Doctor Who, pour ceux qui ne connaissent pas Sherlock Holmes, il y a énormément de ponts entre le Docteur et Sherlock Holmes. Et il y a même, dans l'épisode de Snowman, comment il s'appelle celui qui joue le docteur. Il y en a eu plusieurs. Matt Smith qui va effectivement arriver en déguisé en Sherlock Holmes et faire toute une réplique en Sherlock Holmes. Oui. Et alors justement, vous, votre Sherlock Holmes préféré, c'est lequel? Moi, mon Sherlock Holmes préféré, ça reste celui de Billy Wilder, c'est Robert Stephen. Alors, c'est pas parce que l'histoire, elle est complètement en dehors des écrits de Sherlock Holmes, mais c'est surtout parce qu'il colle pile poil à l'esprit de Sherlock Holmes et la relation entre Sherlock Holmes et Watson est géniale à l'intérieur de ce film. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est que le film a été complètement saucissonné, puisque c'était un film qui était prévu au départ pour faire 3h20, puis la production l'a réduit à 2h. Le grand plaisir qu'on aurait, c'est effectivement que le film soit restauré dans sa globalité. Ouais. Moi, c'est le Sherlock de la BBC, malgré tout. Parce que, d'une part, Moffat et Gatiss, Doctor Who, etc., maîtrisent la culture populaire et irriguent le Sherlock de toutes ses références. Et puis, parce que je trouve qu'il retrouve l'esprit de Conan Doyle. Je veux dire, à l'époque où Conan Doyle publie, les intrigues sont contemporaines. C'est-à-dire que Sherlock est quelqu'un qui décrypte le monde contemporain pour les lecteurs. Et c'est ça qui plaît. Et je trouve qu'ils ont retrouvé ça et ils le font très bien. Thierry Gilibert. Pour les mêmes raisons, je dirais Basil Rathbone. Pourquoi? Parce que Basil Rathbone, déjà à l'époque, prenait la voiture, l'avion, allait en Algérie, allait à New York, etc. Donc c'est un personnage moderne. Mon préféré également, je dirais, ex aequo, c'est Vassili Livanov. hein, qui est un acteur russe. Hein, les Russes sont très friands de Sherlock Holmes. Pourquoi ? Parce que ce personnage, il est petit, il a des lunettes. Il faut préciser que Thierry Gilibert, vous n'êtes pas petit, non, vous avez une taille acceptable et des lunettes, voilà. Donc voilà. Toute ressemblance avec une personne ayant existé serait très bien. Et justement, il y a ce rapport aussi conflictuel dans l'œuvre de départ de Conan Doyle, c'est qu'il a essayé de se débarrasser de Sherlock Holmes, il l'a fait mourir. Oui. Oui, mais 1893. En 1893. Ouais, il l'a plongé dans les chutes de Reichenbach avec justement Moriarty. Et là, il voulait en finir définitivement avec lui parce que lui, il avait qu'une envie, c'était de partir dans les romans historiques. Ouais. Ce qu'il avait déjà commencé avant, mais il avait ça un peu de côté. Et là, il voulait vraiment. Il disait, la littérature historique, ça c'est du sérieux, ça c'est bien. Sherlock Holmes, ça c'est. Et puis il va revenir 10 ans plus tard. Sous la pression des fans. Sous la pression. Mais alors, il n'y a pas que la pression des fans, il n'y a pas que ça. Il va revenir parce qu'il rentre de la guerre des bourgs à cette époque-là. Et puis c'est surtout qu'il va acheter une maison qui vaut très très cher. Et il s'aperçoit que ça coûte beaucoup d'argent. Et puis sa rencontre avec Bertram Fletcher Robinson, qui était un journaliste, va lui mettre un petit peu la main au panier en disant ce serait bien une nouvelle histoire avec. Et puis pourquoi pas un chien et puis un truc avec. Et puis Conan Doyle, il envoie un premier télégramme à son éditeur en disant « Si je vous fais une nouvelle histoire policière, avec, est-ce que vous acceptez 50 livres pour 1000 mots ?» L'éditeur, il fait « Ouais, super, super !» Et puis, quelques jours après, il réfléchit, il fait « Ouais, attendez, et si je mets Sherlock Holmes dans l'histoire, est-ce que vous acceptez 100 livres pour 1000 mots ?»« Oui !» Et hop, le chien des Baskerville va faire son apparition. Mais Daniel Lennox, c'est hyper intéressant de se rendre compte qu'une œuvre qui est désormais rentrée dans le patrimoine classique, voilà, œuvre de littérature reconnue, est à la base, et c'est valable pour beaucoup, beaucoup d'œuvres reconnues aujourd'hui, une commande et a été faite pour des raisons typiquement commerciales. Ben c'est un petit peu ça. Le deuxième roman qu'il va écrire, Le Signe des Quatre, c'est tout à fait ça. Hein, le Lynn Picotte, lorsqu'il va être réuni avec Oscar Wilde au Langham Hotel, ben c'est tout à fait ça. C'est une œuvre de commande. Hein. Le premier roman qu'il a publié, donc Une étude en rouge, ça a fonctionné, mais ça n'a pas super bien marché. Et puis la deuxième, mais ce qui va véritablement marcher, c'est le Strand Magazine. Parce que ça, c'est quelque chose qui est totalement nouveau. John Nunes, qui a déjà publié déjà le titre Beats, qui faisait des records de ventes, 300 000, 800 000 ventes, décide de mettre un nouveau magazine dans lequel il faut de l'image, des faits, de l'actualité, et ainsi de suite. Puis là, il va faire appel un petit peu à tous les auteurs qui étaient à cette époque-là, donc Yoder Kipling, H.G. Wells, et ainsi de suite, et puis bien sûr Conan Doyle. Et là, quand les premières aventures vont sortir sous forme de feuilleton dans Strand Magazine en 1891, alors là, ça va être... Ça y est, baraka. Ça valait le coup de reprendre la plume. Ouais. Et alors Thierry Gilibert, vous êtes vice-président de l'association Le Cercle Holmésien de Paris. C'est une secte ou quoi ça ? Mais oui, dites-moi, qu'est-ce que le Cercle Holmésien ? Bah, un cercle se fait déjà pour se réunir, hein, je ne vous fais pas un dessin. Alors, simplement, il faut savoir que Sherlock Holmes et Watson sont aussi le symbole de l'amitié. Rarement dans la littérature, on a vu des amis aussi loyaux les uns envers l'autre, avec des caractères aussi différents. Donc notre association, c'est déjà un prétexte à l'amitié, hein, à travers ces personnages-là. On a tous des passions, évidemment, pour Sherlock Holmes, parce que ce sont des amis déjà dans nos vies personnelles, que ce soit des jeunes gens qui nous rejoignent grâce à Benedict Cumberbatch, ou des vieillards qui nous reviennent pour nous remémorer que Jeremy Brett ou Basil Rathbone ont existé aussi à leur époque comme de parfaits interprètes. Voilà, donc on se réunit au prétexte de l'amitié, mais également pour évoquer l'actualité holmésienne, mais aussi pour organiser des voyages. Hein. On va aller retourner sur les terres du Chêne et Baskerville, dans le Devon. On a été aux chutes du Reichenbach, là où le professeur Moriarty aurait précipité le plus grand des détectives. Voilà, donc bien souvent aussi on se costume, on se déguise pas, attention, hein. On se costume en habit victorien pour rappeler cette époque comme d'autres le font avec la chevalerie ou les épopées napoléoniennes. Voilà, donc on va dire c'est une marotte, c'est une passion, un prétexte à l'amitié, comme je vous le disais. Voilà, on peut trouver plein d'autres raisons. Vous croyez que mon oncle a été vraiment assassiné ? Ma tête a coupé. Allons, voyons, Holmes. Tout de même, vous avez vu comme moi le poignard entre les mains de Wax Flutter. Vous avez entendu l'homme de la boutique, il paraît évident qu'il s'agit d'un suicide. Ne jamais se fier aux évidences, Watson. Trop d'éléments paraissent troublants dans cette affaire. Voyons, un homme se jette par la fenêtre de sa maison. Ensuite, un pasteur vient se précipiter sous les roues d'un fiacre. Tout ceci sans motif apparent. Enfin, Wax Flutter se plante un couteau dans le ventre, ce qui paraît tout à fait incroyable à ses proches. Et dernière question, pourquoi Wax Flutter semblait obsédé par leur décès ? C'est vrai. Il conservait soigneusement des coupures de presse. Et il y avait ces entrevues avec cet homme étrange, vous vous souvenez? Cet homme était aux funérailles. Savez-vous qui c'est? Non. Chaque fois qu'il venait le voir, oncle me faisait vite sortir du grenier. Quand je lui demandais qui c'était, il changeait de sujet. Cet homme est d'une manière ou d'une autre mêlé aux trois meurtres. Nous devons découvrir qui c'est. À mon avis, vous avez un peu trop lu de romans policiers. Ce n'est pas une fiction, Watson. Un assassin opère autour de nous et je compte bien le démasquer. C'était un extrait du Secret de la Pyramide ou Les Aventures de Young Sherlock Holmes, un film réalisé par Barry Levinson et produit par Steven Spielberg. Un des films qui a été un des premiers longs métrages à montrer un personnage intégralement en image de synthèse, un chevalier qui sort d'un vitrail comme ça, réalisé par un petit studio qui commençait à se faire un nom qui s'appelait ILM. Voilà, donc en fait, c'est cette énorme galaxie geek, tout est connecté. Et alors justement, aujourd'hui, en 2019, quel est l'avenir de Sherlock Holmes? Vous qui êtes beaucoup plus calé que moi sur le sujet. Oh, il y en a plein de l'avenir. Il y a notamment, par exemple, en série télé, ça je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent, mais donc il y a eu une première saison qui s'appelle Miss Sherlock, à la télévision japonaise. Il y a eu deux saisons qui s'appellent Mystery Queen à la télévision de Corée du Sud. Il y a une série norvégienne qui devrait promettre pas mal qui s'appelle Sherlock North. Et là, le gros avantage, c'est que c'est une série qui va se passer pendant le Grand Hiatus. Alors le Grand Hiatus, c'est l'époque entre le moment où Sherlock Holmes, soi-disant, est mort et le moment où il va réapparaître. Et là, il voyage partout dans le monde, au Tibet, et ainsi de suite. Et c'est vrai que cette période-là a été très très peu utilisée dans les Sherlock Holmes, enfin dans les adaptations. On va avoir après un dessin animé français, produit par Canal+ et Favioli, je crois, et qui va être basé sur la bande dessinée des 4 de Baker Street. Et puis, une nouvelle série russe, Sherlock Holmes in Russia, aussi, qui devrait apparaître en 2020 ou 2021. Donc, on s'aperçoit, l'actualité, elle est toujours là, ça continue, c'est la déferlante, ça n'arrête pas. Et un troisième film de Ritchie aussi, qui est en projet depuis un moment et qui, normalement, devrait voir le jour pour de bon en 2020. 21. Ah, ouais. Ça a été reculé, voilà. Et alors c'est fou parce que avec Sherlock Holmes, on a un petit peu l'impression d'avoir une sorte de figure qui se suffit désormais totalement à elle-même, donc qui se réinvente, qui va même sur des terrains, le terrain du fantastique, Sherlock Holmes et Jack l'Éventreur. Avec des dinosaures. Sherlock Holmes combat Dracula. C'est un peu Martine à la ferme, en oui, fait. Oui, il y a un peu ça. Hein. Mais c'est ce qui est intéressant. Enfin là, je regardais justement ce qu'il en était des scénaristes du prochain film de Ritchie. Les scénaristes, ils viennent de l'univers super-héroïque et du film d'action, ce qui est très très net d'ailleurs dans le deuxième film de Ritchie. Donc il y a cette espèce de capacité à aller dans d'autres genres, de même que Moffat et Gatiss flirtent parfois avec les codes de l'horreur, ce qui est habituel chez eux. Donc il y a cette réinvention permanente qui fait que Sherlock n'est pas coincé dans les codes du roman policier d'énigmes du tout. Mais il faut dire que tout ça, à la base, il faut dire que Sherlock Holmes, à la base, il a titillé l'esprit des auteurs très très rapidement. Parce que pastiche et parodie, dès le départ, ça commençait à écrire. Et un des tout premiers, ça a été James Matthew Barry, qui est l'auteur de Peter Pan, qui a écrit une parodie sur Sherlock Holmes. C'est la rançon du succès, déjà à l'époque. Dès le départ, les gens se sont emparés du personnage. William Gillett, pareil, quand il l'a interprété au théâtre en 1899, il avait même écrit une lettre à Conan Doyle en disant « Mais est-ce que je peux le marier ?» Et Conan Doyle lui dit « Vous pouvez le marier, vous pouvez le tuer, vous pouvez en faire ce que vous voulez. » Donc il n'avait aucun affect avec son personnage. Thierry Gilibert ? Oui, quand le premier pasticheur réel de Sherlock Holmes, c'est Conan Doyle lui-même. Il a déjà écrit des autopastiches, The Lost Special, etc. Lui-même, il a voulu tuer son personnage, mais il a aussi voulu le réinventer parfois. Quand on lit les titres des aventures de Sherlock Holmes, on parle de fantastique. Le vampire du Sussex, juste après le succès de Bram Stoker, mais il y avait déjà eu Carmilla de Sheridan Le Fanu. Donc, il utilise clairement la fibre fantastique. Ensuite, Le Chien des Baskerville, là également, il s'inspire de légendes. D'autres aventures, Scandale à Bohème, ça va être le côté plutôt aventurier. Donc, il surfe sur toute la vague. Il utilise toutes les ficelles commerciales déjà à l'époque. Donc voilà. Donc les continuateurs de son œuvre n'en ont fait que l'utiliser la même recette finalement. Et d'ailleurs, à propos de continuateurs de son œuvre, Fabien Olicard, est-ce que quelque part vous ne seriez pas aussi une forme de transmetteur de la culture Sherlock Holmes? Holmes avec vos spectacles, avec votre chaîne YouTube, etc. Bah si, complètement. Déjà, moi, quand je monte sur scène aujourd'hui, quand j'écris un spectacle ou quand je fais ce genre de démo-là, je me dis quel est le fantasme si on voyait Sherlock Holmes. Donc je me prétends pas être un sosie ou un machin, mais je me dis c'est une très bonne source d'inspiration. Le fantasme de base, c'est ce mec qui arrivait, qui cherchait pas à être sympathique, pas sympathique, qui cherchait à résoudre le puzzle. Il avait pas d'accessoires avec lui, il te regardait, il disait ça, ça, ça. Et je me dis si j'arrive à répondre à ce fantasme-là, le bluff est garanti parce qu'on était en permanence bluffé par les aventures de Sherlock. Donc évidemment je me nourris de ça et je le retransmets aussi en le citant très souvent comme source d'inspiration et même sur scène directement pour que les gens raccordent, parce qu'on retrouve Sherlock tout le temps et on est toujours autant fasciné. On a parlé de plein de suites, plein de trucs, mais il y a aussi les Dr House, c'est Sherlock Holmes, tu vois, il y a oui. Tous les moments on retrouve des personnages qui ont été reconstruits dans un autre univers sans le dire clairement au grand public mais sans le cacher non plus, et on retrouve des Sherlock un peu partout dans des domaines spécifiques comme moi sur scène, quoi. Bon, et bien voilà, on est entouré, cerné par des Sherlock. Donc dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur. Mais avant cela, on écoute Joel Crooks qui nous interprète London Mine. J'en profite pour vous dire que cette émission est réalisée par Céline Hila, à la programmation musicale Muriel Pérez, Marie Mougin, Chloé Brassière, Prudence Castelot et Aurore Mansip ont préparé cette émission. Et à la technique aujourd'hui, Fabrice Desmaz et Ludovic Asselot. Bangla noise on Brick Lane, that's the sound of my home. I'm a Mickey Athens, lovers walk or camp road. When you're blinded by lights, you find ways to survive in big smoke. Holding down 9 to 5, and your weekends are spent loading up with the boys, with the bottle and bends. Only way to cope, cause this city don't stop for no one. Street light down Madeira I go. I've been fooled by the charm of the Kennington Road. While the backstreet drama don't get picked up by the sun. That's what makes London mine. C'était London Mine par Joy Crooks et maintenant on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Anne-Françoise au téléphone. Bonjour Anne-Françoise. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors, vous êtes fan de Sherlock Holmes? Oui, ça fait partie de mes personnages marquants dans la littérature. D'accord, donc vous avez lu les livres, vous avez vu les séries? Oui, tous les livres, toutes les nouvelles, et puis quelques séries aussi, effectivement. Bon, c'est parfait. Alors, je vais vous poser 3 questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, ne paniquez pas. Vous avez droit à un joker qui vous donnera le droit d'être aidé par l'invité de votre choix. Oui. Prêt? Deux. Prêt. C'est parti. Dans le récit La boîte en carton, Sherlock Holmes enquête sur le cas de Suzanne Cushing qui a reçu une boîte en carton remplie de sel et dans laquelle se trouve réponse A, un cœur. Réponse B, une main humaine. Ou réponse C, une paire d'oreilles tranchées. Un cœur, une main humaine ou une paire d'oreilles tranchées. Spontanément, j'aurais dit la main, mais j'avoue que j'ai un doute. Vous avez un doute. Spontanément, vous auriez dit la main. Ouais. Vous auriez eu un doute. Eh bien, vous auriez eu raison d'avoir un doute parce que ça n'est pas une main. Évidemment. Est-ce que vous voulez faire appel à un joker? Un joker. Parce que joker, voilà, je dis toujours joker, c'est joker. Alors, à qui faites-vous appel? Thierry Gilibert, vous êtes prêt? Je repose la question. Dans le récit La boîte en carton, Sherlock Holmes enquête sur le cas de Susan Cushing qui a reçu une boîte en carton remplie de sel et dans laquelle se trouve réponse A, un cœur, ou réponse C, une paire d'oreilles tranchées. Comment? Il s'agit d'oreilles tranchées, évidemment. Oh là là, mais en plus, vraiment avec une certaine forme d'aisance, genre, mais oui, facile pour moi, c'est effectivement une paire d'oreilles tranchées. Voilà, alors, question suivante. Dans une étude en rouge, un homme est retrouvé assassiné dans une maison vide, sans blessure apparente. Quelle inscription est griffonnée à la hâte sur le mur? C'est un mot dans une langue d'un pays voisin, avec une chancelière chancelante. Bah, j'en dis beaucoup. Oui, c'est un mot en allemand. Mais oui, c'est un mot en allemand. Oh, mais vous savez, quand on est très fâché, des fois, on a la rage. Rage. Oui. Oh, mais c'est incroyable. Mais vous êtes incroyablement doué. C'est bien rage qui signifie vengeance en allemand. Oh, j'ai eu peur. Hein. Dernière question. Maintenant, on va vous faire écouter un extrait en VO de la série Sherlock de la BBC. Il faudra deviner quel personnage on entend. All my life, I've been searching for distractions. You were the best distraction, and now I don't even have you. Because I've beaten you. And you know what? In the end, it was easy. Alors, qui est-ce? Est-ce que c'est pas Moriarty? Mais c'est une très bonne réponse! Bravo! Bravo! Anne-François, vous avez gagné 3 volumes de Sherlock, l'adaptation manga de la série de la BBC, parue aux éditions Kurokawa. Ah bah super, merci beaucoup! Eh bah merci à vous! À bientôt! À bientôt, au revoir! Au revoir! Eh bien écoutez, merci à tous, merci d'avoir été avec moi pour évoquer ce personnage incroyable de Sherlock Holmes. En plus, vous étiez vraiment des puits de science, parce que j'ai appris plein de choses, donc je suis très content. Donc je tiens à repréciser qui fait quoi. Merci Natacha Levé, hein, vous êtes maîtresse de conférence. On dit maître ou maîtresse? On dit maîtresse normalement, mais bon, moi je dis maître de conf, comme ça va. Ah ouais, voilà, maître de conf, voilà. Le mentaliste Fabien Olicard, merci à vous, merci à toi. Daniel Enoch, le directeur de la chaîne YouTube Share Unlocked, merci. Et Thierry Gilibert, le vice-président de l'association Le Cercle Holmésien de Paris. Il n'y a pas de quoi. J'ai tout bon? Parfait. Bon, merci à vous. Comme toujours, je rappelle aux auditeurs que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Sherlock Holmes, ou nous retrouver sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter, hashtag BlockbusterEFI. Et on se retrouve demain pour parler de l'homme qui a des galères qui vont par tranches de 24 heures. Le célèbre Jack Bauer. Alors, c'est vrai ce qu'on raconte? Vous êtes un putain de psychopathe. Je suis un sociopathe de haut niveau qui a votre numéro.